Est-ce que tu voulais nous présenter, Pasteur? Je vais faire la conclusion de Jean ce matin, de l'évangile de Jean. Alors, par la grâce de Dieu, restez avec moi. Donc, Dieu avec nous, sinon, si vous n'êtes pas avec moi, ça ne sera pas facile. Et au départ, j'étais supposé faire un sujet libre, mais Dieu a voulu que ça tombe, que je fasse la conclusion de l'évangile. La vraie conclusion de l'évangile, c'est juste de dire amen à tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Mais je vais pas faire le résumé des choses qu'on a vues et des enseignements que nous avons reçus au travers de l'évangile de Jean. Je vais beaucoup plus insister dans le sujet que le dernier chapitre que Gilles a commencé la semaine passée. Et sur le point que la nécessité des enfants de Dieu de passer du temps, de demeurer ensemble. C'est ça la conclusion de l'évangile de Jean. Mais il y a une chose déjà qui me frappait je lisais dans Ésaïe. Vous savez, dans Amos, chapitre 3, Dieu dit que il ne fait rien sans avoir révélé ses plans à ses prophètes, ses serviteurs, ses prophètes. Et je lisais dans Ésaïe, le prophète qui a été beaucoup d'années, beaucoup de siècles avant Jésus-Christ. Et Amos disait, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, ses prophètes. Et Ésaïe 25, verset 1, il disait, tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. J'étais un peu touché par le fait que d'avance, Ésaïe pouvait déjà conclure, ou dire, du moins dire des paroles de conclusion par rapport à la révélation que Dieu lui avait donnée. Pierre va nous expliquer par après que ces révélations sont pour nous qui avons été jusqu'à aujourd'hui, pour nous qui avons reçu l'Évangile, et que par conséquent, combien plus forte raison notre louange à nous devrait être plus excellente. Si Ésaïe déjà parlait comme ça par rapport aux choses qu'on lui avait dit, ou qui lui auraient été inspirés, mais nous, nous les vivons aujourd'hui. Alors nous, qui ne nous sommes pas déclarés témoins de Dieu, de Jésus, mais Dieu nous a établis témoins de Jésus-Christ, alors notre louange devrait être plus excellente que celle que Ésaïe déjà a exprimée avant. Pour revenir sur le point que Gilles faisait la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi Gilles parlait la semaine passée. En groupe, dans les groupes. Ensemble. C'était ça le maître mot, monsieur Croton n'était pas là. Le maître mot, c'était ensemble. On a lu dans Luc, on va le revoir tout à l'heure, et on a lu dans Jean. Oui, Diane voulait dire quelque chose? Ah, ok, d'accord. Que la volonté de Dieu était que nous passions du temps ensemble. Mais avant de lire dans Luc, ça va être mon premier point avec vous ce matin, je vais revenir sur le point de Gilles. C'est toujours mieux sécuritaire de marcher dans des chemins frayés par quelqu'un qui marche fidèlement dans la volonté de Dieu. Alors, je vais revenir dans le point de Gilles. C'est ça mon premier point ce matin. Ensuite, je vais finir Jean 21 par les paroles que Jésus-Christ adresse à Pierre. Et par Pierre, au travers de Pierre, qu'il nous adresse à nous tous, qui sommes ses enfants. Alors, avant de lire Luc, parce que c'est pas la première fois que Pierre voit Jésus, c'est pas dans Luc. La première fois que Pierre va le voir, je vais le lire, c'est dans Jean 1, le tout premier chapitre de Jean. Dans Jean 1, 40, André, c'est le frère de Pierre, il était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste ayant vu Jésus passer, va dire à ses disciples, voilà Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les deux disciples vont le suivre. Donc, c'est écrit dans Jean 1,40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra Pierre, le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Tu es Jonas, le fils de Simon, tu seras appelé Cephas. Donc, quand dans Luc 5, Jésus va voir Pierre, ou que Pierre va voir Jésus, il l'a déjà vu une fois. Et ils se sont même échangé des paroles. Mais en ce temps-là, quand ils se sont vus, Pierre ne l'a pas suivi. Il est retourné à, si je peux dire, à ses filets à lui, à ses préoccupations, aux choses qui l'occupaient. Et Jésus va faire le pas, il va aller vers lui en ce temps-là dans Luc 5. Alors je vous lis Luc 5 tout de suite. Dans Luc 5, je ne sais pas si vous y êtes. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » Désormais, tu seras pêcheur d'homme. En relisant ce passage, la première chose qui m'a touché, c'est le fait que Jésus vient de faire aux yeux de Pierre quelque chose qu'il n'a pas fait lors de leur première rencontre. Mais il vient de poser un geste ici qui va définitivement appeler Pierre. Et Omar dit la semaine passée que c'est probablement sa plus grosse prise en termes monétaires, c'est beaucoup d'argent parce qu'il fait de la pêche pour vivre avec ça. Et quand Jésus va poser ce geste, il va laisser ses filets pour suivre Jésus. La deuxième chose, oui. D'accord, j'ai fait l'effort. Et la deuxième chose aussi, c'est que, comme Jules le disait, ils sont des barques séparées, et ils ont des filets séparés. Et la parole de Dieu ne dit pas qu'ils sont des disciples. Ça dit ici, fils de Zébédée, les associés de Pierre. Associés, c'est des personnes, d'après le dictionnaire, c'est une personne qui a des intérêts communs avec d'autres personnes. C'est une personne qui est liée par des intérêts avec d'autres personnes ou avec une autre personne. Alors, ici, ça peut être des associés dans la pêche, des associés dans les affaires, des associés dans n'importe quoi dans la vie. Mais ce ne sont pas des vies communes, ce sont des intérêts communs quelque part. Et dans cette barque, la barque de Pierre, dans laquelle Jésus va monter, il va enseigner à la foule, Jésus-Christ. Il va toucher en particulier Pierre. Et la réaction de Pierre, ça va être, non Seigneur, je suis un pécheur. Un peu comme ça nous arrive. Quand il nous est demandé quelque chose, on va dire, je ne suis pas capable, ou c'est pas la chose que je fais le mieux. Mais dans le fond, ce que Pierre va faire, c'est simplement qu'il va lâcher les filets, et le Seigneur Jésus va faire le reste pour lui. Il va le rendre capable de faire les choses, c'est la promesse qu'il lui fait. Je te ferai pécheur d'homme. Mais avant tout, tu dois lâcher les filets, les choses qui te retiennent. Et parallèlement, dans Jean 21, qui est notre principal passage de ce matin, et qu'on va aller lire, l'évangile de Jean, chapitre 21, pour finir le point de Gilles. Dans le Luc, ils sont dans des barques séparées, ils sont des associés, c'est-à-dire qu'ils ont en commun la pêche, et ils ont des filets séparés. Alors, Jésus va mettre à l'écart Pierre, il va lui adresser, Pierre va être touché par le geste que Jésus-Christ va faire. Il va laisser qu'est-ce qu'il faisait pour suivre Jésus. Maintenant, si on lit la même chose dans Jean 21, pour revenir sur le point de Gilles. Jean 21, ça dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Après cela, c'est Jean-Claude qui avait prêché juste le chapitre d'avant. Jésus vient d'apparaître aux 8 jours après qu'il est apparu à Marie. Le même soir, il va apparaître aux disciples pendant qu'ils sont dans une chambre fermée. Il va entrer quelque part et ils ne savent pas comment il est entré. Et 8 jours après, il va réapparaître cette fois-ci spécialement. Il va dire à Thomas, ben, tu as douté parce que tu n'avais pas vu, viens me toucher. Et ne sois pas incrédule. Donc, juste après cela, Jésus se montrait encore aux disciples, après cette apparition-là. Il se montrait encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ici, il ne les appelle plus des associés de Pierre. Ici, il parle 2 autres disciples de Jésus. Et c'est très particulier parce que disciple, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose qu'associé. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, je retourne à la pêche. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour vivre. Ce n'a pas plus en priorité, c'est ça que je veux dire. Ça passe en second lieu pour lui maintenant. Je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. En passant, ils sont tous des pêcheurs de profession, si je ne me trompe pas. Et ils ont tous des barques. Et avant, ils étaient chacun dans sa barque. Et là, après que Jésus a fait ce qu'il a fait, que Jésus leur a apparu, que Jésus a fait des miracles à leurs yeux, que Jésus les a rassemblés, Pierre dit qu'il va aller pêcher et ils vont tous aller dans une même barque, comme des disciples. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était loin de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoique la nuit tant, le filet ne se rompait pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et le point que Jésus faisait, c'était que cette fois-ci, contrairement à la première pêche, ils sont tous dans une même barque. Et c'est encore plus fort que ça. Remarquez que Pierre était nu. Ce qui témoigne, la nudité pour les Juifs, quand vous lisez la loi, c'est quelque chose d'assez grave. Mais s'il est nu ici, ça témoigne d'une certaine intimité profonde. Il n'a pas honte de ses frères, il n'a pas... C'est une vie commune parfaite. Mais c'est pas tant la nudité charnelle, le point. C'est spirituel. Comme on l'a vu dans Jean 4, que les serviteurs que Dieu demande, c'est l'esprit et la vérité. Donc, c'est une intimité profonde maintenant. Ils sont dans une même barque. Pierre est dans son état le plus naturel possible. Je ne sais pas comment on peut connaître quelqu'un de plus vrai que ça. Et ils ont un même filet, un seul filet. Ils font la même pêche. Jésus les apparaît et il va leur dire comment pêcher s'ils veulent avoir le résultat. Alors le point de Jésus, c'était nous aussi étant des barques et vivant dans une grande intimité à l'intérieur des barques. Et il y a en commun, pas des intérêts comme on peut avoir dans une assemblée quelconque, l'intérêt qu'on a en bâtiment, peu importe. Pas des associés liés par des intérêts, mais des associés liés, des personnes liées par une vie commune, une vie selon Christ. Dans la plus grande intimité, et cela va faire en sorte que, étant à l'écoute de Christ, Pierre n'a même pas reconnu la voix de Jésus. C'est Jean qui lui a dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et ayant compris que c'est le Seigneur, il s'est habillé. Et le point de Jésus, c'était que nous marchons exactement dans les mêmes sentiers que les premiers disciples. Et que dans cette barque que Dieu nous met, il faut monter. En cela que, il ne faut pas qu'il y ait des filets qui nous retiennent pour nous engager pleinement à monter dans la barque. Mais il faut s'engager comme Pierre. Lorsque Dieu a fait un geste devant ses yeux, il a lâché ses filets, il est monté. Il n'est plus jamais revenu en arrière. Et ça a conduit jusqu'au résultat final, qui est l'intimité avec ses frères et avec Dieu. Et nous aussi, des choses qui nous retiennent dans la vie, des filets, la pêche, il y en a plein de filets dans la vie, qui nous retiennent, on doit les lâcher, pas que nous sommes forts, que nous sommes capables, lâcher par la foi et dire, Seigneur, voici, je lâche, je te suis. Et comme on va le voir tantôt, je sais que c'est pas facile de croire. Quand on reçoit quelque chose gratuitement, on pense que c'est facile. Et quand on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose, on met peu d'énergie pour l'entretenir aussi. Parce que c'est obtenu gratuitement, c'est pas grand-chose. La foi est un don gratuit, mais quand on parle avec les gens qui n'ont pas la foi, on se rend compte que c'est très difficile de croire. Mais nous l'avons, nous, parce que Dieu nous l'a donné gratuitement. Et la parole de Dieu nous enseigne que, grâce à cette foi que nous avons, et par cette foi que nous avons, c'est en Christ, en qui nous croyons, qu'est le oui pour toutes les promesses que Dieu a faites, pour ceux qui croient. Alors, c'était ça le point de Gilles et, la semaine passée. C'est le mot ensemble. Le mot ensemble, dans une même barque et dans une parfaite intimité, sans limite quelconque. Et ce matin, moi, je vais juste finir le 21, l'évangile de Jean 21, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Mais mon premier point, c'était d'insister sur la nécessité à l'état où nous sommes rendus de nous engager pleinement dans la barque, ensemble avec les frères, et de faire la pêche de la manière que Dieu nous le donne. Et le résultat n'est pas le même. Dans la première pêche, il y avait beaucoup de poissons. C'est certes. Mais c'était désordonné un peu. Les filets se rompaient. Quand ça se rompt, il y a des poissons qui s'échappent encore. Mais dans la deuxième, il y a un détail important. Ça dit des gros poissons. Il y a une qualité dans la louange qui est donnée à Dieu dans le deuxième texte. Des gros poissons. Non seulement c'est des gros poissons, mais on connaît le nombre. C'est-à-dire qu'on les connaît en détail. C'est pas la pêche, waouh, il y avait plein de filets, les poissons sautent à gauche, à droite, les filets se déchirent à gauche, à droite, et ça paraît désordonné tout ça. Mais ça, c'est la pêche de Christ, le deuxième. Le premier, c'était un miracle pour montrer à Pierre et pour aller chercher Pierre. Mais le deuxième, c'est un exemple de qu'est-ce qu'il a établi Pierre pour devenir. Les poissons sont gros, sont bons, non seulement ça, mais on sait exactement combien ils sont. Je ne sais pas pourquoi c'est venu à l'esprit d'aller compter les poissons, mais 153. C'est assez précis. Et par la suite du texte, Jésus va poursuivre son entretien avec Pierre. Je vais continuer de lire le texte Jean 21 à partir du 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Plus que ne même ceci. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, Père mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, peu importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. En lisant ce passage, je l'ai lu avec Christian et Michel vendredi matin. Il y a un point qui ressortait le plus, c'est que vous voyez que Pierre dit à Jésus, sans aucune variation dans la réponse, « Je t'aime ». La fois d'après, « Je t'aime ». La troisième fois, il est attristé un peu que Jésus lui pose la même question trois fois. C'est comme si Jésus n'était pas convaincu. Il dit encore, « Seigneur, je t'aime ». Mais c'est la manière que Jésus va lui indiquer comment il doit lui montrer qu'il aime, qui est intéressant là-dedans. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je t'aime. Je peux rester, moi, dans ma barque isolée et je dis, je t'aime, Seigneur. Oui, Jésus ne doute pas que Pierre l'aime. Mais il va lui dire, comme tu m'aimes, ben, voici comment ton amour pour moi va se manifester. Il va lui dire trois fois de suite, paix, paix. Pas la paix, mais paître. Il dit, paix mes brebis, comme tu m'aimes. Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Donc, l'amour de Dieu, l'amour que Pierre a pour Dieu, cet amour-là qui va conduire Pierre, encore une fois, parmi les enfants de Dieu, pour faire, au milieu des enfants de Dieu, la mission que Dieu lui a donnée. Et Pierre va revenir dessus, je ne sais pas combien d'années après, dans 2 Pierre 1, verset 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 12. Je vous le lis rapidement, tu as besoin d'aller le voir. Pierre revient là-dessus plus tard, il dit, voilà pourquoi, parce qu'il a pris au sérieux la mission que Jésus lui avait confiée, et qu'il prend au sérieux à tel point qu'il va s'appliquer de servir Dieu, de la manière que Dieu lui a demandé de servir. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. De Pierre, chapitre 1, verset 12. Et je regarde comme un devoir, d'après le commandement que Jésus lui a donné, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en veille par des avertissements. Car je sais que je quitterai subitement, je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Il se réfère à la mort que Jésus lui a prédite, qui n'était pas pour lui ici un sujet de tristesse, parce que ça dit la manière que tu vas glorifier Dieu par ta mort. Il se réfère à ce temps, à cette conversation, pour dire, c'est pourquoi je ne me lasserai pas de vous répéter, même les choses que vous connaissez déjà parfaitement, et dans lesquelles vous êtes parfaitement affermis. Mais je vais quand même, tant aussi longtemps que je serai dans mon corps, je vais prendre soin de vous les rappeler tout le temps. Sachant très bien qu'à tout moment, je vais quitter mon corps, comme le Seigneur me l'a dit. Donc, Pierre prend au sérieux le commandement que Jésus lui donne, et il va appliquer sa vie à obéir au commandement que Jésus lui donne. Et le commandement, nous le connaissons tous, celui qui nous a été adressé à nous aussi, et auquel le Seigneur s'attend qu'on s'applique, et sur lequel nous avons beaucoup, beaucoup enseigné dans Jean 15, chapitre 9, en particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez du commandement. Dans Jean 15, je vais lire du verset 9 à 13. Une exhortation que Jésus nous adresse. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit en, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici le commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, le point là-dedans que je voulais faire dans la conversation de Pierre avec Jésus, le premier point, c'est que Pierre, l'amour qu'il a pour Dieu va se montrer au milieu des frères. Et il va prendre son commandement au sérieux. Et nous aussi, c'est pas le commandement de Pierre, c'est notre commandement à tous. La parole de Dieu nous s'adresse à nous tous. Et le commandement que Dieu nous a donné, c'est qu'on demeure dans son amour. Et la manière qu'on va savoir qu'on demeure dans son amour, c'est effectivement qu'on s'aime les uns les autres. Et la manière qu'on va savoir qu'on s'aime les uns les autres, c'est si on se paie les uns les autres. À l'exemple de Pierre. Un autre point que j'avais parlé avec Christian et Michel dans le même passage, c'est le point qui paraît un peu banal, mais c'est à la fin du passage, parce que Jean dit quelque chose de très important. Il dit, c'est ce disciple, verset 24, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. C'est étrange que Jean insiste pour dire « nous savons que son témoignage est vrai ». Dans 1 Corinthiens, verset, un passage que vous connaissez tous, 1 Corinthiens 22, c'est écrit que la prédication de l'Évangile, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ ressuscité. Folie pour les Grecs, pour les païens, scandale pour les Juifs. Donc, quand il dit « nous savons que le témoignage est vrai », c'est qui nous? C'est qui ceux qui savent? C'est pas les Juifs pour qui la prédication de la croix est un scandale, et c'est pas les Grecs qui cherchent la chasse, qui trouvent que la prédication de Jésus-Christ est une folie, mais c'est qui nous qui savons que le témoignage de Jésus-Christ est vrai? Pardon? Les croyants. Ce sont les croyants qui savent qu'il est vrai, le témoignage. Et ce sont eux que Dieu a établi témoins du témoignage. Alors la question pour nous là-dedans, et c'est la même question que nous portons aussi auprès de ceux qui ne croient pas, c'est, est-ce que nous participons véritablement à ce témoignage-là? Est-ce que nous savons que ce témoignage est vrai? Parce que ce qui prend pour le savoir, comme on dit, c'est la foi. Alors, est-ce que nous sommes à mesure de dire oui, les choses qui sont écrites et les choses que nous avons apprises par la grâce de Dieu depuis le temps qu'on étudie l'évangile de Jean et qui reviennent à chaque enseignement, à chaque prédication, que l'appel que Dieu adresse à ses enfants au travers de l'évangile des gens, c'est de rester ensemble, dans une même barque. Est-ce qu'on peut dire que nous savons que ce témoignage est vrai? Que nous savons que ces choses sont vraies? Ou simplement, nous les entendons, peut-être que ça ne nous scandalise pas ou que ça ne nous est pas un scandale. Ou alors, on ne trouve pas ça fou, mais nous ne savons pas, nous doutons quelque part. Le point fondamental, c'est, comme l'exprime Jean, Jean aurait pu dire, je sais que c'est lui qui a vécu l'évangile, c'est lui qui a vécu avec Jésus-Christ, je sais que le témoignage que je raconte est vrai. Ça se limite là, personne n'allait douter, il sait que c'est vrai. Dieu n'a pas besoin de nous pour qu'il soit vrai. Dieu est vrai. Point final. Mais si j'en dis nous savons, c'est parce qu'il veut que nous participions. Ce n'est pas un témoignage de Jean, c'est le témoignage de nous, l'Église. Alors, si nous savons que c'est vrai, que nous sommes convaincus que c'est vrai, l'implication, c'est pas les choses dont nous parlons ce matin ou les choses que Gilles a parlé la dernière fois, mais l'implication, c'est tout ce que nous avons vu depuis que nous étudions l'Évangile de Jean. Et la chose fondamentale, moi, le mot, demandez-moi qu'est-ce que j'ai retenu l'Évangile de Jean, je ne sais rien. Mais c'est le mot ensemble. Il y a un mot qui a été interdit, c'est le mot incroyable. C'est Christian qui a décidé qu'il est interdit. Et c'est vrai. Mais il y a un mot qui revient par la grâce de Dieu, c'est le mot ensemble. Alors, oui. Vous savez que ça va être vrai. Vous savez que c'est vrai. C'est un témoignage véritablement de celui qui appartient au Seigneur, de celui qui n'appartient pas au Seigneur, mais celui qui n'appartient pas au Seigneur, il n'est pas capable de le mettre dans sa vie. Celui qui appartient au Seigneur, oui, il le sait profondément. Cette parole-là vient. Il faut que ça complète en face. Oui, oui, oui, absolument. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, quand je lis dans Saint-Étienne, et nous avons, après avoir lu, nous avons, si c'est vrai, 21, ma seule réponse est Amen. Je sais que c'est vrai. Et si je veux dire Amen, j'ai le même esprit qui a inspiré Jean. Et donc, je le sais, que c'est vrai. Moi, je sais. Et voilà, je le sais, que j'ai le même esprit. Et je suis dans mon esprit, que je suis en train de vivre. Quand je dis ce texte-là, oui, Diane? Thank you. Le nous, effectivement, il revient, mais il faut que ça ait un impact puissant dans la vie de l'Église. Il revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas la peine de faire une liste de versets dans toute la prédication des apôtres. Et si vous prenez un passage vous prenez la parole que Paul dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 3, versets 13 à 14. Vous savez, autrefois, les prophètes, ils arrivaient avec la révélation, ils prêchaient au peuple, et il y avait eux qui comprenaient les desseins de Dieu, ils prêchaient au peuple pour que le peuple se repente. Il faisait son travail, au temps marqué, que Dieu a voulu qu'il paraisse. Il était tué. Le peuple restait avec les écrits. Et alors, quelqu'un disait dans le psaume, j'ai cru au témoignage de la révélation que Dieu lui avait donnée, le prophète de Dieu, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. 2 Corinthiens 3, 13 à 14. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le j'ai cru, ça résonne comme quelqu'un à lui seul qui a reçu la révélation, à qui Dieu a donné une mission pour le peuple, qui a cru à ce que Dieu lui avait dit, et c'est pourquoi il parle. Mais ce j'ai cru, maintenant pour nous, à travers l'Église, Paul l'exprime d'une autre manière. Il dit, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Nous aussi nous croyons, je vous le lis. Et comme nous avons le même esprit de foi, comme dit M. Croteau, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Deux Corinthiens. Oh, c'est 2 Corinthiens 3, 14. Pardon, c'est 4. C'est pas 3, c'est 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 14. Alors, le point par rapport à la suite du chapitre 21, les deux points que je voulais faire, ce sont les suivants. La manière que l'amour de Jésus-Christ, que Pierre a pour Jésus-Christ, va se manifester dans l'Église. Ce n'était pas d'une manière à un homme solitaire, mais c'était au milieu des frères en train de prendre soin des frères. Le deuxième point, le point fondamental, c'est le témoignage est commun. C'est nous tous qui savons qu'il est vrai, comme il est vrai, nous y participons tous, puisque nous y croyons. C'est notre témoignage et le fruit qui vient avec ce témoignage. Comme dit Paul, nous aussi, par le même esprit de foi, nous parlons. C'est pas moi, comme au temps des prophètes. Le prophète, il était un dans son temps, je sais pas combien de siècles après, paraissait un prophète. Il venait y parler, il mourait, il s'en va. Non, c'est nous qui sommes tous parus en même instant par la résurrection de Jésus-Christ, au même moment, comme un seul homme, nous tous, au même instant, sommes nés au même instant, participant à la même mission, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. C'est pas pourquoi je parle. Je parle, oui. Mais je parle au milieu des frères, avec des frères, etc. Et je ne veux pas parler plus long que ça. Donc c'était ça mon point ce matin. De revenir sur, insister sur le point que Gilles avait fait, c'est que nous sommes ensemble dans la même barque. C'est pas comme la première où au temps où Dieu nous a appelés, nous étions seuls, séparés, probablement que nous avions des associés, des gens avec qui on a des intérêts communs, mais maintenant ce n'est plus ça. Maintenant c'est une barque où règne une grande intimité. Et une grande intimité, ils étaient sept. Ils étaient sept dans la barque. Une grande intimité, et aussi, on sait qu'est-ce qu'on fait. Jésus nous a dit, mais jetez la barque, jetez le filet du côté droit. Bon, on ne va pas le jeter à gauche, il a dit à droite. Parce que si on jette à gauche, on ne prend pas de poisson. Donc, on jette à droite parce que c'est là-bas, il y a des gros poissons. Beaucoup de poissons. C'est ça le deuxième point. Et le troisième point, non, le deuxième. Le troisième point, c'est effectivement que nous ici, ou du moins la conclusion de ma prédication, c'est que nous, de la même manière, étant chacun dans la barque de Christ avec les frères, au milieu desquels Dieu nous a placés, l'intimité que nous voyons ici avec les apôtres, les disciples de Jésus, c'est la même intimité que nous avons. Et on ne peut plus parler comme autrefois, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est nous tous ensemble, nous croyons, nous parlons et nous marchons ensemble. Amen. Merci Michel. Ah, oh, oh, on a du temps. On a du temps, il est juste 11h05. Quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre, en fait, on peut se mettre dans le contexte humain, là. On est dans une salle, et puis il y a quelqu'un qui nous parle. Il a un livre dans les mains, il le discute.